coucou. Bonjour, bonsoir, merci d'être là fidèle à ce rendez-vous que je vous donne, 795e du nom. Dans ce rendez-vous, dans cette émission donc, ne vous attendez pas à du renouveau. Non. Nous allons rester dans l'ancien. Oui, tant pis, hein. Tant pis pour celles et ceux qui espéraient peut-être à mieux. Il y a toujours mieux, hein. Ça, je vous l'accorde. Mais voilà, nous préférons garder certaines traditions, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, vous prenez votre mal pour un bien et vous verrez, on va s'amuser. Allez, on va commencer tout de suite avec ceci. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Comme on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète tant que j'ai mon cœur près du tien. J'entends les flonflons de la fête et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Chercher à la ronde, mon manège à moi, c'est toi. Voilà, c'est ce que le petit, comment dirais-je, tout simplement un petit exemple de ce que vous allez entendre dans cette émission. Vous entendrez la voix d'Arlette et puis vous entendrez la voix d'Hubert, Hubert Ledin. Arlette Vidier. Voilà, tout simplement. Et nous allons continuer comme ça, eh bien, pendant un bon long moment. D'ailleurs, on va se désoiffer tout de suite. Voici le printemps, la douceur du temps vous fait des avances. Partez, mes enfants, vous avez 20 ans. Partez en vacances, vous vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles, aux bras des amants, de fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont prêtes, et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charmille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, y a des chansonnettes et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. À ces jeux charmants, la taille souvent prend de l'avantage. Ça n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande ses verres à la jeune enfant. Ma fille raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Ça sera toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Eh bien voilà, du côté de nos gens, donc non, non, mais on va rester du côté de Valserone, et bien évidemment... dans son grand bassin de vie qui est très très large et où je sais que nos ondes arrivent allègrement afin d'apporter un petit moment de joie, quelquefois un petit moment de bonheur et puis parfois un petit rayon de soleil. Voilà, c'est tout simplement cela, le 91 et les 102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Alors, c'est pas 35 ans d'amour que nous vous offrons, mais c'est certainement plus. Voilà, c'est pour vous. 50 ans. Qui aurait cru à notre histoire? le jour où l'on s'est rencontré. Si la fidélité est rare, nous, on ne s'est jamais trompé. On a connu quelques orages, des conflits de générations. Chaque fois, nos cœurs restaient sages et tout finissait en chanson. 50 ans d'amour entre vous et moi. 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. Comme au premier jour, c'est le même accord. 50 ans d'amour. Amour extraordinaire, un demi-siècle de bonheur. Et si je devais tout refaire, je le referais de bon cœur. Ça fait si longtemps que l'on s'aime, accordez-moi votre pardon. Si pour la première fois en scène, je vous dis tu dans ma chanson. 50 ans d'amour entre vous et moi. 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. Comme au premier jour, c'est le même. 50 ans d'amour et l'on s'aime encore. 50 ans d'amour entre vous et moi. 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. Comme au premier. Voilà, 50 ans d'amour. J'espère que c'est votre cas, parce que 50 ans d'amour, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et à bicyclette, alors à bicyclette, c'est encore un peu plus difficile. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. De nuit, Alain Barrière qui va nous interpréter sans tarder Aimer. Thank you. comme un printemps soleil, la récompense. Aimer comme un cri dans le ciel, la délivrance. Aimer, sentir au fond de soi la flamme intense. L'insigne chance. Voilà, c'est ce qui s'appelle de la belle chanson française. Mais on va pas en rester là. Puisque nous sommes dans cette belle mélodie, eh bien, je vous propose Angela. Mais je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais annoncé dès le départ de cette émission. Cette émission sera un petit peu, on va dire, rétro. Oui, j'ai pas peur du mot. Rétro, exact. Angela, j'ai couru toutes les ruelles, Angela, jusqu'au pied de la citadelle, Angela. Le village est mort et sans voix. Ah, ah. Angela, mais réponds-moi, parle-moi d'elle, Angela. M'a-t-elle attendu? Où est-elle, Angela? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Angela, tu le sais bien, tu le sais bien. Je l'aime, Angela. Je ne suis revenu que pour elle. Cette larme-là, là sur ton visage, Angela, comme le pire des présages, Angela, je t'en supplie, dis-moi pourquoi. Ah, ah. Angela, ce long cortège-là, là vers le cimetière, Angela, mais dis-moi donc, dis-moi qui l'on enterre, Angela. Je crois que je comprends déjà. Sera demain n'est jamais bien loin. laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. L'amant de ses amours, la demoiselle lui demanda, m'es-tu fidèle jusqu'à toujours? Et le garçon chanta, que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir, que sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. Quand elle chante à son enfant dans un sourire, cet air charmant, c'est pour lui dire que dans la vie rien n'est jamais fini. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, que sera, sera. Eh oui, que sera, sera. On ne sait pas ce que sera fait demain. On ne sait pas de quoi sera fait après-demain. C'est ainsi que va la vie. Et la vie, je la dis bien souvent, il faut la prendre comme elle vient. Dans un tout petit moment, alors qu'on aura passé encore Salut les guinguettes et la Java bleue, nous retournerons retrouver notre ami Alain Barrière avec justement Ma vie. Très, très, très belle chanson que l'on vient tout simplement, tout justement de me demander il y a quelques petites secondes par mon pote, par mon ami Jeannot. Jeannot, qu'on appelle très affectueusement Nona à Éloise. Donc voilà, salut les guinguettes, eh bien c'est de la part d'Henriette pour son amie Madame Rosset. Voilà, c'est pour vous Madame Rosset, de la part donc d'Henriette, votre amie. Salut les guinguettes. Salut les guinguettes, sur l'air d'une valse musette. Salut les flonflons, au son de l'accordéon. Salut la java, passe au tango et rumba. Les mélodies les plus belles dans nos têtes nous donnent le goût de la fête. Il faudrait que jamais ça ne s'arrête. Salut les guinguettes, viens danser sur les bords de la Marne. Tu verras qu'être là c'est si bon, qu'on donnerait son cœur pour le charme des mélodies de l'accordéon. Quand les amoureux sous les tonnelles s'aimeront au rythme des flonflons, tu diras que cette musique est belle, comme on est bien Joinville-le-Pont. Salut les guinguettes, sur l'air d'une valse musette. Salut les flonflons, au son de l'accordéon. Salut la java, pas au tango et rumba. Tête, nous donne le goût de la fête. Il faudrait que jamais ça ne s'arrête. Salut les guinguettes. Une journée passée à la guinguette, ça donne envie de chanter la vie. Et que jamais cela ne s'arrête. Gambiller jusqu'au bout de la nuit. Qu'il est bon cet accordéoniste. Avec lui le temps ne compte plus. T'es planté au milieu de la piste. Et tu voudrais que ça continue. Valse musette, salut les flonflons au son de l'accordéon, salut la java, pas au tango et rumba, les mélodies les plus belles dans nos têtes nous donnent le goût de la fête. Il faudrait que jamais ça ne s'arrête. Salut les guinguettes. Eh oui, Hubert vient de nous parler de la java, il vient nous parler de la valse. Eh bien, on va continuer dans une toute belle mélodie, la valse bleue. La java bleue, pardon, que dis-je ? Je suis troublé. Les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur qui fait tourner la tête et fait chavirer les cœurs. Tandis qu'on danse à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras. Tout bas l'on dit dans un frisson, en écoutant jouer l'accordéon. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la java bleue, chérie, sous ton étreinte, je veux me serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses et de serments on se fait dans la folie d'un moment. Mais ces serments remplis d'amour, on sait bien qu'on ne les tient pas toujours. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Oh, joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Eh oui, la java bleue, oh, je sais, il y en a très certainement chez eux qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que ces vieilleries qu'ils nous passent dans cette émission. Eh bien, ce ne sont pas en tout cas des vieilleries, ce sont des chansons qui ont existé, qui existent toujours et qui existeront toujours parce que ce sont des chansons bien souvent d'amour et des chansons à texte. tout simplement. Voilà pourquoi nous, de temps en temps, eh bien, sur cette radio locale, nous nous permettons eh bien, tout simplement certaines autorisations. Voilà. Et on le fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de plaisir. Et on remercie bien évidemment toutes celles et tous ceux qui, par leur message, leur gentillesse, nous encouragent à poursuivre tout simplement ces mélodies et de les diffuser de temps en temps. Voilà. Voilà. Le message nous vient tout simplement de la rue du Rhône. Voilà. Merci Suzanne. Je vous fais une grosse bise et soyez rassurés que c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous écoutons dans vos interventions. Merci beaucoup. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré de lourdes giboulées. Si j'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hiberne. En plus des chansons anciennes qui sont interprétées par des musiciens, j'allais presque dire locaux, que l'on connaît, de véritables amis, voilà, que l'on apprécie énormément par leur gentillesse, par leur savoir-faire, par leur tout simplement leur humour aussi de temps à autre. Donc voilà, on est d'autant plus heureux à vous diffuser ces vieilles chansons qui font pas toujours l'unanimité, mais comme dit si bien notre ami Alain, le pompier de service, continue bien à passer ces vieilleries. Ça me rappelle bien des souvenirs. Voilà. Ma vie, c'est tout de suite. C'est pour mon ami Nano. Et puis, c'est Alain Barrière, bien sûr, qui nous l'interprète, « Ma vie ». « sert. On dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. C'est un bon anniversaire qu'on va souhaiter à Roger de la part de son épouse Géraldine. Eh bien, un joyeux anniversaire à vous, Roger. Et puis, soyez sûr qu'avec Alain Barrière, celui-ci va être très bénéfique. À tes amours, à l'amitié, ami pour toi, je viens chanter. Jour attendu et redouté, mes vrais bonheurs de partager ce bon moment d'intimité. Alors laissons le cœur chanter. Bon anniversaire, c'est le temps. Bien un an de plus. c'est le jour de tout oublier, vivre un moment privilégié, à graver dans l'éternité. Salut à toi, sérénité, faut laisser place à la gaieté, chaque fois c'est un an gagné, alors laissons le cœur chanter. Bon anniversaire, c'est le temps venu de lever nos verres à ces 12 mois révolus. Bon anniversaire, sois le bienvenu, lève aussi ton verre, tu prendras bien un an de plus. Une année de plus. Ah, laissons le cœur chanter. Bon anniversaire, c'est le temps venu de lever nos verres à ce temps que tu m'as vu. Bon anniversaire, sois le bienvenu, lève aussi ton une fin, je suis indécis. Je ne sais pas du tout ce que je vais vous proposer pour terminer cette première partie de l'émission. Allez, 7 secondes pour réfléchir. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerais tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve. Thank you. Ramona. Je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve. Alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour. Allez, cette deuxième partie de l'émission va être sensiblement la même que la première partie, sauf que nous n'aurons pas Arlette et Hubert, nous aurons, allez, encore des chanteurs, que l'on n'entend pas beaucoup sur les ondes, mais que l'on entend bien sur le 91 et sur le 102.5. Allez, on est parti. On est parti. C'est un Hidalgo espagnol. A todas ellas con amor. Fueron alma y corazón a las que un día amé, siempre recordaré con la ternura a flor de piel. Aquellas que quieran de mí tenerme en jaula de cristal tendrán que comprender que quiero libertad, aunque termine en soledad. ¿Qué ha sido hoy de nuestras vidas? ¿A dónde fuimos a parar? La soledad es el castigo por no cansarnos de jugar. que me hicieron sentir lo hermoso y bello que es vivir. Miremos hacia atrás, es bueno recordar a todas ellas y soñar a todas ellas con amor. Les canto yo esta canción. Nostalgias del ayer, recuerdos de pasión, anclados en mi corazón. ¿Qué ha sido hoy de nuestras vidas? ¿A dónde fuimos a parar? La soledad es el castigo por no cansarnos de jugar. A todas ellas con amor, pues fueron alma y corazón. A las que un día amé, siempre recordaré con la ternura flor de piel. A las que me hicieron sentir lo hermoso y bello que es vivir. Miremos hacia atrás, es bueno recordar a todas ellas. Le Dieu de l'amour Pas belle cette chanson? Ah, quand on s'aime, bien évidemment. Et celle-ci, celle que vous allez écouter maintenant, eh bien, vous allez vous régaler, même si vous êtes, surtout si vous êtes seul. Quand on est seul, avec sa peine à oublier, quand on est seul et que l'on perd le goût d'aimer, c'est quelque chose que l'on ne peut expliquer. C'est quelque chose qui vient nous torturer. Ça fait si longtemps que je voulais te retrouver. Ça fait trop longtemps que je voulais revoir tes yeux briller. Quand on est seul, on en finit par oublier que vivre seul, c'est mourir sans avoir été. Mais te revoir a fait renaître au fond de moi autant d'espoir que ces moments vécus sans toi. Le temps qui passe n'a pas changé mes sentiments. Le temps qui passe t'a fait si belle comme une insulte au temps. Tu es seul, laisse mon cœur battre pour toi. Si tu es seul, reste près de moi. Laisse mon cœur battre pour toi. Si tu es seul, reprends ta place auprès de moi. Si tu es seul, Eh oui, pardon, c'est aussi pour mon plaisir. Je peux ? Merci. Jodassin, pour continuer cette mélodie. On s'était réveillé à demi étonné de ne pas se connaître ou presque pas. Une rencontre banale, la chanson des cigales et l'été qui passait par là. Inconnu de la veille, tu étais si jolie au réveil. Que je pensais sans savoir te le dire, ne t'en va pas. Toi qui passes par ma vie, qui n'y fait qu'un détour, ne crois pas qu'on s'oublie quand la fête est finie, quand la vie reprend son cours. Qui peut dire vraiment si c'était de l'amour ou la faute à l'air du temps? Comme les éphémères qui ne voient la lumière que le temps d'un éclair et d'un regret. On n'a fait qu'entrevoir le début d'une histoire, va savoir si l'on s'aimerait. Dans un mois, dans un an, ou pas du tout, s'il y avait un roman écrit pour nous, tu devais t'en aller, un point c'est tout. Toi qui passes par ma vie, qui n'y fait qu'un détour, ne crois pas qu'on s'oublie quand la fête est finie. Quand la vie reprend son cours, qui peut dire vraiment si c'était de l'amour ou la faute à l'air du temps. Joe Dassin. Et là, écoutez bien, parce que c'est rare. C'est pas vieux, hein. C'est pas une vieille chanson, c'est tout neuf. Comme quoi. Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin. De danser très doux et de...

continuer avec ces chants traditionnels italiens qui ont un certain charme. C'est vrai, c'est un groupe qui les chante. Et puis, en fait, ce sont deux groupes. Il y a un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Je vous proposerai tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, les femmes. Quanta voglia che ho di tornare nella casa di mamma e papà. Li ho lasciati che avevo 20 anni e adesso ogni giorno mi piange un po' il cuore. Questa vita che sempre sognavo tra la gente di grandi città, ore triste mi toglie il respiro, di solite cose non voglio cantare. Casa mia, che nostalgia mi spezzi il cuore. Casa mia, vedrai che un giorno ritornerò. Ora il tempo ha segnato il mio viso, forse un graffio ho dentro al mio cuore. Una voce mi dice ritorna se vuoi ritrovare la serenità. Il destino mi prese per mano e piangendo quel dì me ne andai. Col lavoro trovai buon sostegno, ma adesso decido ritorno laggiù. Casa mia, che nostalgia mi spezzi il cuore. Casa mia, vedrai che un giorno ritornerò. Nostalgia mi spezzi il cuore. Casa mia, vedrai che un giorno ritornerò. Vedrai che un giorno emigrante in terra straniera, io sono andato. La mia mamma piangendo e la moglie ho lasciato. Ed un figlio più bello del sole appena nato. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Gli occhi pieni di lacrime, io son partito, abbracciando la mia famiglia e il vicinato. una valigia piena di sogni mi son portato. Emigrante dentro una fabbrica mi son trovato. Emigrante che vieni, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Emigrante che vieni, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Ascolta figlio mio queste parole, ci fa fare. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Emigrante che viene, emigrante che va, la tua vita è un inferno, emigrante sarà. Stai contento figlio mio, tesoruccio di papà, che domani a casa tua torna la felicità. Stai contento figlio mio, tesoruccio di papà, che domani a casa tua torna la felicità. Torna la felicità. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Cielo è una coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Lasciatela dormire, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati, se vuoi sentir cantare. Se vedessi quanto è bella, l'ho pitturata io col mio pennello. L'ho pitturato io quel suo bel viso, sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela dormire, È stato bello festeggiare, è stato già. È stato bello festeggiare l'anniversario. È stato bello festeggiare. È stato bello festeggiare. È stato bello festeggiare l'anniversario. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. È stato bello ricordare, è stato bello ricordare, è stato bello ricordare gli anni passati. È stato bello ricordare, è stato bello ricordare, è stato bello ricordare gli anni passati. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. Se un giorno io non ci sarò, se un giorno io non ci sarò, se un giorno io non ci sarò, brindate ancora. Se un giorno io non ci sarò, se un giorno io non ci sarò, se un giorno io non ci sarò, brindate ancora. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. Viva la compagnia mia, viva la compagnia mia, viva la compagnia degli amici miei. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ah, c'est la fin. Oui, oui, c'est la fin, ça va être fini. C'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, ça va être fini, tout simplement. C'est la dernière. La toute dernière, c'est celle-là. Il sacco è già caricato, cavallo è pronto a partire. Oh figlia mia, devi andare perché il mugnaio è là ad aspettare. No, no, non voglio partire, perché la strada è salita. Non voglio fare fatica, qui a casa mia voglio restare. Dai su, non farti pregare, frumento va macinato, il sole l'ha maturato e per l'inverno ci sfamerà. E lei la si mise in viaggio e da lì un po' è arrivata. Mugnaio e lì l'aspettava, scarica il sacco e va a macinare. Gira la ruota caricata, cavallo è pronto a partire. Ragazza mia, devi andare a casa tua, devi tornare. No, no, non voglio partire, perché la strada è in discesa. Non voglio fare fatica, è qui da te io voglio dormire. Dai su, non farti pregare, Marina devi portare, è gialla come i tuoi ricci che fan capricci solo per me. Con lei la si mise in viaggio, ti voglio accompagnare, tuo padre voglio vedere, chiederti sposa e viver con te. Gira la ruota e macina ancora, oh bel mugnaio, non ti ferma, e la farina pian piano scende, ma ci vuol tempo. Voilà, c'est la fin. On se retrouve très bientôt sur le 91, sur le 102.5, dans Rendez-vous avec vous. En attendant, restez bien à l'écoute du 91 et du 102.5. Sorgia FM, c'est la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, ah vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.